à toi, auditeur, auditrice, ici Lia. Comment vas-tu aujourd'hui? Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui, comme tous les mardis à 8h et 13h30, pour partager avec toi nos minutes bonheur, ici et maintenant. Bien plus qu'un effet de mode, je te parle aujourd'hui de l'importance du contact avec Gaïa au quotidien et comment ramener chez nous un bout de nature si précieux quand on habite en ville. Si te promener le dimanche en forêt te donne l'impression de te sentir mieux, plus apaisé, il semble que cela ne soit pas simplement une impression. En effet, une étude américaine indique que passer 20 à 30 minutes dans la nature quotidiennement fait baisser le taux de cortisol, l'hormone du stress. Donc passer du temps dans la nature réduirait l'anxiété. Cela est désormais acquis scientifiquement. Par contre, les paramètres de contact avec la nature restent à déterminer, comme la durée, la fréquence et le type de nature. Toutefois, l'article paru dans la revue Frontiers in Psychology indique que les chercheurs sont arrivés à la conclusion que 20 à 30 minutes suffisent si cela est renouvelé tous les jours. Au-delà de cette durée, il y a des avantages supplémentaires, mais dans une moindre mesure. Toujours selon cette étude, ce que tu fais au moment où tu es en contact avec la nature importe peu. Il peut s'agir d'une simple marche à pied ou être assis et contempler. En revanche, il faut que le temps passé dans la nature soit sans utiliser son téléphone, sans réseaux sociaux, internet ni appels téléphoniques. En 2015, un sondage réalisé dans le cadre de la fête de la nature révélait que 96% des Français interrogés percevaient la nature comme un lieu de bien-être et de ressourcement. Aujourd'hui, l'avalanche de livres à ce sujet, entraînée par les best-sellers « La vie secrète des arbres » de Peter Vollenben et « La sylvothérapie, se ressourcer en forêt » qui réunit de plus en plus d'adeptes ou encore la multiplication des salons « Nature et bien-être » sont tout autant de signes que nous ressentons un besoin de vert dans nos vies, de plus en plus urbanisé. Être au contact de la nature favorise notre bien-être physique et psychologique. Plusieurs études observent une réduction du stress et de la dépression favorisée par l'environnement naturel et à l'inverse, une amélioration de l'estime de soi, du sentiment de bonheur ou encore de la créativité. La nature soigne nos maux et plus que cela, elle améliore aussi nos capacités et nos fonctions cognitives en réduisant la fatigue et en restaurant notre capacité d'attention, si sollicitée par la vie quotidienne. Elle participe également à notre bien-être physique, réduction de la douleur, de la pression artérielle, de l'obésité ou encore accélération de la guérison et prévention de certaines maladies. En somme, la nature n'est pas simplement un substrat nécessaire dans lequel s'enracine la culture humaine, mais un terreau qui influence nos vies au quotidien et qui peut-être est justement ce qui permet à ces cultures de croître et de se développer. Mais de quelle nature parle-t-on ? La nature dont il est question peut prendre des formes très diverses. Il peut s'agir d'éléments de nature, des pierres, de l'eau, du vent, de faune, de flore, de paysages qui n'appartiennent pas nécessairement à une biodiversité qui agit dans un écosystème défini. Par exemple, en 1984, une étude montrait déjà que les patients possédant une fenêtre sur l'extérieur guérissaient plus rapidement à la suite d'opérations que d'autres patients ne bénéficiant pas d'une telle vue. Mais alors, comment faire quand nous habitons en ville ? Avoir une maison zen, ce n'est pas seulement une question de décoration. C'est aussi l'art de cultiver un endroit paisible où chaque objet a sa raison d'être, que ce soit pour sa beauté son utilité ou les deux? Comment rendre sa maison, son appartement plus naturel? Quand on habite en ville, c'est une question qu'on peut se poser souvent. Avec le trafic, la pollution, le mouvement courant, le bruit, il est important d'avoir quelque chose pour se ressourcer et se reposer. Cela peut tout de même passer par la décoration et l'agencement de notre intérieur. En effet, il est très agréable après une journée de travail de pouvoir rentrer chez soi et se retrouver dans un environnement calme et relaxant, plus proche de la nature que du tumulte de la ville. Des plantes vertes dans toutes les pièces. N'aie pas peur d'installer des plantes vertes dans toutes les pièces de ta maison. Les plantes donnent de la vie aux pièces tout en apportant une touche de nature. Sache que tu trouveras des plantes adaptées à chaque pièce et même pour la salle de bain particulièrement humide. Dans la chambre, choisis plutôt une petite plante et pense à bien aérer pour que l'air soit toujours de bonne qualité. Les plantes dépolluantes seront particulièrement conseillées. Elles sont bonnes pour le moral, mieux encore, certaines espèces ont de vertus bénéfiques sur notre santé et notre équilibre psychologique. Des études scientifiques ont mis en évidence la capacité des plantes d'intérieur à purifier l'air et à dépolluer l'eau. Peau qui tire, nez qui picote, l'atmosphère de nos intérieurs en hiver est trop sèche et cela provoque une sensation d'inconfort dont on méconnaît souvent l'origine. On se sent bien avec un taux d'hygrométrie de 60% environ, or il se situe plutôt aux alentours de 40% dans la majorité des appartements ou maisons chauffées. Plus jolies et aussi utiles que les saturateurs pour radiateurs, les plantes d'intérieur augmentent jusqu'à 5% le taux d'humidité des pièces. Elles transpirent en effet jusqu'à restituer 97% de leur eau d'arrosage dans l'air. Les espèces les plus efficaces sont celles qui conservent un métabolisme actif durant l'hiver, le manque de lumière les incitant souvent à se mettre au repos. Spatifyllum, Sympolia, fougère bananier, Maranta, Ficus pumila, Sparmania, tilleul d'appartement, Cyperus, Papyrus, palmier du genre Rapis. Les plantes assainissantes, pas moins de 15 ml d'air passent chaque jour dans nos poumons. Nous inspirons en effet 6 à 10 litres par minute. L'air des bureaux et des maisons est le plus souvent confiné et pollué par l'aldéhyde, formie et les solvants contenus dans les revêtements de murs et de sol, dans les peintures, les déodorants, etc. Incroyable mais vrai, nos plantes d'intérieur sont capables de transformer en un à deux jours ces substances nocives en particules propres. En d'autres termes, elles purifient l'air de nos maisons. En effet, des plantes saines et bien soignées peuvent réduire la poussière de l'air jusqu'à 20%. Or, c'est la poussière qui retient les toxines nocives que nous respirons. Certaines feuilles, parce qu'elles sont velues ou capables de retenir les graisses, attirent les particules de poussière, les nervures ainsi que les stomates, l'équivalent des pores de notre peau, absorbent alors les substances nocives. Agissant comme un filtre, elles les restituent en un air assaini. En outre, la poussière se trouve naturellement entraînée vers le terreau des peaux. Les racines et les micro-organismes du substrat détruisent virus, bactéries et autres substances chimiques pathogènes. Petit tour rapide vers les plantes d'intérieur, je vous conseille de vous renseigner plus particulièrement grâce aux nombreux ouvrages existants. Nous pouvons également intégrer les 5 éléments. Pour faire entrer la nature dans ta maison, assure-toi que les 5 éléments qui la composent y sont représentés, c'est-à-dire l'eau, des photos de ruisseaux, de plans d'eau, fontaines et des fleurs dans un vase rempli d'eau feront tout à fait l'affaire. La terre, au travers des pierres ou des plantes, le feu, des bougies, de l'encens, une cheminée, le métal, les meubles, des outils et le bois, toujours les meubles, des poutres apparentes, etc. Et si l'on faisait un tour vers les fondamentaux du bien-être dans l'habitat? On ne se retrouve pas dans un lieu par hasard, comme on dit, qui se ressemble et s'assemble. Ton chez-toi est une extension de toi-même, il est unique et mérite que tu en prennes grand soin. Au fil du temps, tu évolues, ton chez-toi se doit de changer avec toi. L'atmosphère de ta demeure se teinte de la vie vécue en ce lieu. Comme une sorte de mémoire, le passé laisse des effluves altérant le parfum de l'instant présent. Il est important de trier et laisser aller ce qui ne te sert plus, ce qui encombre, alourdit. La qualité de l'ambiance énergétique est aussi à optimiser par des purifications régulières pour mieux dégager l'espace des mémoires résiduelles. En disant ainsi au revoir à ce qui n'est plus adapté pour toi, tu es plus à même d'accueillir le présent et le nouveau. La voix du juste milieu se retrouve aussi chez toi, en préservant la variété et l'harmonie des formes, des couleurs et des matières. Tu assures ton propre équilibre, ton agencement, ton ameublement et ta décoration côtoient des espaces de vide nécessaires à la libre et ondulante circulation de l'énergie. Cette justesse des proportions est source de vitalité chez toi, tout comme le rangement pratique, la propreté et l'air pur. Lieu de ressourcement et de partage, il est aussi vecteur d'inspiration, d'appréciation, de beauté, comme pour mieux t'accompagner à trouver en toi un espace de paix et d'harmonie. En matière de bien-être chez soi, on recherche très souvent ce qui avant tout va nous plaire vraiment et nous donner entière satisfaction. Cela peut passer par l'agencement de notre intérieur pour qu'il soit plus douillé, mais également par tout ce qu'on va ressentir comme énergie bienfaisante, en allumant des bougies ou en faisant appel au principe du feng shui. Tout d'abord, il faut privilégier la résonance entre notre être et l'endroit où nous vivons. Plus nous sommes en accord avec ce qui est à l'extérieur de nous-mêmes, calme, aménagement, couleur, matériaux, proportions, et plus notre intérieur, notre corps, va vibrer à être en paix. Puis, il faut mettre en avant la liberté de pouvoir faire évoluer notre logis au même rythme que notre vie. Changement d'idées, nouvelles envies, coups de cœur, agrandissement de la famille, invitation d'amis, colocation. Enfin, il est essentiel que les énergies qui se dégagent du lieu soient positives et bienveillantes, afin de nous permettre de poursuivre notre évolution le plus sereinement possible. Notre lieu de vie est un lien direct avec qui nous sommes véritablement. Plus il sera en adéquation avec nos propres valeurs, ouverture, calme, lumineux, et plus il sera à l'image de ce que nous voulons vivre au quotidien, la joie de vivre harmonieusement. Être bien chez soi est fondamental car nous tissons un lien intime avec, entre notre intérieur et notre fort intérieur. Il nous révèle autant qu'il nous influence. Pour qu'il soit source de bien-être, il est utile de comprendre notre cerveau. Celui-ci fonctionne selon une courbe d'attention. Il retient très bien ce qui est au début et ce qui est à la fin. Ce sont des informations qu'il mémorise davantage et qui l'influencent beaucoup plus. Quelle est la première et la dernière image que tu as de chez toi? C'est l'entrée. Ce lieu est stratégique. Veille à ce qu'il soit lumineux, organisé. Accroche-y des citations, couleurs, objets positifs que tu aimes. Cela boostera ton quotidien. Quelle est la première et la dernière image que tu vois chaque jour? C'est ta chambre. Ce lieu est destiné au sommeil et à la sensualité. Donc tous les objets rappelant le travail, le rôle de parent avec les dessins des enfants ou stimulant le mental, bibliothèque, pile de livres, près du chevet, télévision, ordinateur, seraient à proscrire. Garde uniquement le livre que tu es en train de lire. Ton sommeil et ta vie intime s'en trouverait amélioré. Enfin, passe tout ton intérieur dans le tamis de la règle d'or. Garde uniquement ce que tu aimes et ce que tu as effectivement utilisé au cours des 12 derniers mois. Lâcher prise sur les objets du passé et s'en séparer permet de s'ouvrir à son moi présent et joyeux. Pour un espace intérieur serein, tu peux aussi ranger et nettoyer quotidiennement. Le désordre est une distraction visuelle. Chaque fois que tes yeux se posent sur une pile de papier, des bijoux mal rangés ou un tas de linge, une petite partie de ton esprit se met au travail pour tenter de savoir comment ranger efficacement ce bazar. La première des choses à faire, si tu veux une maison plus sereine, serait de prendre l'habitude de ranger, de nettoyer toutes les surfaces quotidiennes. Il est plus facile de se concentrer sur le moment présent quand le regard peut glisser sur les espaces rangés et propres dans toute la maison. Laisse les sols aussi dégagés que possible. De la même manière que pour les surfaces bien ordonnées, des sols propres et rangés te simplifieront la vie et t'aideront à te concentrer sur le moment présent. Si des piles d'objets divers ont tendance à s'accumuler à même le sol, c'est sûrement parce que tu n'as pas d'endroit où les ranger. Si c'est bien le cas, essaye de leur trouver une place pour qu'ils ne t'encombrent plus à l'avenir. En ce qui concerne les sols en eux-mêmes, garde-les propres, frais et sans poussière pour créer un espace agréable et améliorer la qualité de l'air ambiant. Voici pour ces minutes bonheur consacrées au bien-être chez soi. Je t'embrasse bien fort, je te souhaite une merveilleuse journée et je te dis à mardi prochain. Thank you.